hommes qui attendent la pluie pour pleurer. Discret en amour, je me cache pour aimer. Fruit de mon histoire, j'ai le cœur enchaîné. Snobé par le monde entier comme un chégué. Dis-moi, Anna. Faisons les prolongations, si pas 30 mais 3 minutes, ton amour.